comment les Islandais ont inventé la démocratie au début du Moyen-Âge. Situé dans l'océan Atlantique Nord, au nord-ouest des îles Féroé, l'Islande compte moins de 400 000 habitants pour une superficie inférieure au cinquième de la France. Cette nation modeste et isolée n'a pas souvent retenu l'attention des historiens. Et pourtant, c'est peut-être là qu'est né ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. L'Islande fut colonisée par les Vikings à partir du IXe siècle, mais entre le Xe et le milieu du XIIIe siècle, le pays connut une longue période d'indépendance durant laquelle se produisit notamment la christianisation de l'île. Le point de départ de cette émancipation fut la décision des chefs islandais de créer une assemblée commune qu'on appelle, dans la langue locale, l'Alting, assemblée qui est considérée comme le plus vieux parlement au monde. Les Islandais, qui étaient culturellement les héritiers des Vikings, se débarrassèrent alors d'une bonne partie de leur structure politique et militaire. Alors que dans le reste de l'Europe s'imposait le féodalisme, en Islande, une société fondée sur le consensus et le respect du droit a vu le jour. Son originalité tenait au fait qu'il n'existait aucun organe exécutif chargé de faire respecter la loi, car celle-ci s'exerçait d'abord par le recours à la médiation. Les relations de pouvoir étaient régulées dans le cadre d'une sorte d'économie de marché où les rapports de force entre l'offre et la demande de services jouaient un rôle fondamental. La faiblesse du peuplement, l'absence de ville et même de village, le caractère oral de sa culture avait créé des conditions favorables pour le développement d'une société reposant sur des liens directs d'interconnaissance dans lesquels les relations familiales jouaient un grand rôle. Dans un tel système social, l'honneur et la réputation avaient une importance capitale pour le respect des lois communes. Ce qui explique que la négociation et l'arbitrage aient été au centre du processus aboutissant à la prise de décision collective. La société islandaise n'était pas pour autant une société égalitaire. Elle était dominée par des chefs, les godards, qui se disputaient les hommes dont ils avaient besoin pour asseoir leur domination. Inversement, les simples fermiers pouvaient bénéficier du soutien de leur chef en cas de besoin. Mais à la différence du système seigneurial qui existait dans l'Europe continentale, chaque fermier pouvait choisir son chef et il pouvait en changer. Du coup, les chefs entretenaient leur popularité en gérant habilement leurs relations avec leurs partisans. Il fallait qu'ils contrôlent les disputes lors des différents stades d'arbitrage pour calmer l'agressivité des uns et des autres. C'était aussi l'une des principales fonctions de l'Alting, l'Assemblée des hommes libres, située au cœur du gouvernement islandais et qui couronnait cet édifice proto-démocratique. Au XIIIe siècle, l'équilibre des pouvoirs se modifia au profit d'une nouvelle élite. L'affaiblissement de la cohésion de l'ancienne société islandaise fut mis à profit par le roi de Norvège. L'Islande fut finalement incorporée à son royaume dans les années 1260.